إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pour le dars d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, c'est plusieurs questions qui n'ont pas trop de lien entre eux, ou entre elles plutôt, mais comme vous les citez, par rapport à des choses que j'ai entendues ici et là. La première mas'ala, la mas'ala tul oula, ta'allum al tawhid. Il y a des frères qui sont venus me voir un jour et qui m'ont dit, il vaut mieux que le sujet du dars, ça soit ça et pas ça, parce que ça et pas ça. Et nous, le tawhid, on l'a compris. Al tawhid fahimna. Et on voulait montrer que cette parole, elle a été prononcée par des gens, et celui qui dit le tawhid, on l'a compris, on n'a pas besoin de durus de tawhid, c'est la preuve, qat'iyya, sans aucun doute qu'il n'a pas compris le tawhid, ou qu'il n'a pas bien compris le tawhid. Allah dit, Azza wa Jal, dans le verset 138 de Surat Al-A'raf, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Nous avons fait traverser la mer aux fils d'Israël. Et ils arrivèrent vers un peuple, wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh, qui était attaché ou qui vénérait leurs idoles. Ils dirent, oh Moussa, donne-nous une divinité, al-ilah ici, c'est al-ma'boud. C'est pas celui qui crée ou c'est pas celui qui donne la vie ou la mort. Al-ilah, c'est al-ma'boud. Haqqan kana aw batila. Donc donne-nous un adoré, c'est-à-dire donne-nous quelque chose que nous adorons en dehors d'Allah. C'est Ben Israël qui dit ça à Moussa quand il voit des gens adorer des idoles. Et Moussa il répond, qala innakum qawmun tajhalun. Vous êtes certes un peuple ignorant. Cheikh Mohamed ibn Abdou Wahab, rahimallahu ta'ala, il dit dans son livre Kashf al-Shubuhat, fi fawa'id hadhihi al-qissa, après qu'il ait cité ce verset, il dit walakin hadhihi al-qissa tufid anna al-muslima bal al-'alima qad yaqa'u fi anwa'in min ash-shirk la yadri 'anha fatufid at-ta'allum wa at-taharruz wa ma'rifata anna qawl al-jahil at-tawhid fahimnah anna hadha min akbar al-jahl wa makaid ash-shaytan. Ibn Abdou Wahab dit quoi? Cette histoire, elle indique que le musulman, mais même le savant, il peut tomber dans des formes de shirk qu'il ignore. Elle implique quoi? Le fait d'apprendre le tawhid et taharruz, le fait de se préserver du shirk par l'apprentissage du tawhid. Et là, elle indique la connaissance que la parole de l'ignorant, le tawhid, nous l'avons compris, ceci est l'une des plus grandes ignorances et une ruse du diable. Donc la personne qui dit, j'ai pas besoin de dars de tawhid, le tawhid, je l'ai compris. Ibn Abdul Wahhab Nafsu, il nous dit, ça fait min akbar al-jahl wa makaid al-shaytan. C'est l'une des plus grandes ignorances et une ruse du diable. Dans, je l'ai dit donc, dans Kashf al-Shubuhat. Et il y a un autre verset dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous indique ceci. C'est lorsque Allah azza wa jalla cite dans Surat Ibrahim, les versets 35 et 36, la parole de l'Khalil, Khalil al-Rahman. Le bien-aimé d'Allah Azza wa Jal. Le bien-aimé d'Allah Azza wa Jal. Imam al-Tawhid. C'est-à-dire Ibrahim alayhi salam, quand il est cité dans le Coran, il est cité comme un exemple. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Thumma awhayna ilayka nittabi' millata Ibrahim hanifan wa makana min al-mushirkin. Et ensuite, nous te révélons à toi, Muhammad, suis la religion d'Ibrahim. C'est-à-dire, toi, Muhammad, tu dois prendre Ibrahim comme exemple. إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Il n'était pas parmi les mouchriquins. Et les versets comme ceci, il y en a plusieurs. Mais là, qu'est-ce qu'il nous dit Ibrahim? Écoutez sa parole. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. Et lorsque Ibrahim dit, Seigneur, fais de cet endroit, ici c'est Mecca, un endroit sûr, de sécurité, et préserve-moi, وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ, préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Subhanallah. Abdurrahman ibn Hassan dit dans son explication du Kitab al-Tawhid, le Cheikh ibn Abdul Wahhab, il a cité ce verset, Bab al-Khawf min al-Shirk. Chapitre, c'est le cinquième chapitre, si je me souviens bien, ou le quatrième, chapitre de la peur du shirk. Tout le monde doit avoir peur de tomber dans le shirk. Et il a cité ce verset-là. Et Abdurrahman ibn Hassan, le commentateur du Kitab al-Tawhid, en Fath al-Majid, il dit, أي اجعلني وبنيّ في جانب من عبادة الأصنام. Mets-moi, moi et mes enfants, à l'opposé de l'adoration des idoles. وباعد بيننا وبينها. Éloigne-moi entre les idoles et nous. وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. وقد بين ما يجيب الخوف من ذلك بقوله رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. Et après il dit à propos des idoles, ô Seigneur, elles ont égaré un grand nombre de gens. On l'a déjà cité la dernière fois. Allah, il dit quoi ? وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ تَعَالَى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'entre eux ne croient à Allah qu'en lui donnant des associés. Ibn Abbas, il dit quoi ? يَقُولُونَ أَنَّ اللَّهَ خَالِقُنَا وَيَعْبُدُونَ غَيْرَهُ. Ils disent Allah est notre créateur, mais ils adorent d'autres que lui. C'est ça le fait de croire à Allah et de lui donner des associés. Et ensuite il dit, après avoir cité le verset, il dit quoi ? Ce verset il implique quoi ? La peur du shirk. يوجب الخوف من ذلك. Et ensuite il dit quoi ? فإنه هو الواقع في كل زمان. Car ceci est, on peut dire, الواقع, ce qui arrive à chaque époque. فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك خوفه. خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. Il dit, si l'homme sait que la plupart sont tombés dans le shirk al-akbar et se sont égarés par l'adoration des idoles, cela rend obligatoire le fait d'avoir peur de tomber dans ce dans quoi est tombé la plupart des gens, c'est le shirk qu'Allah ne pardonne pas. وقال إبراهيم التيمي من السلف من يأمن البلاء بعد إبراهيم. Et qui est préservé de cette épreuve après Ibrahim? Qui peut se dire, le tawhid je l'ai compris, moi je ne tombe pas dans le shirk. Après Ibrahim alayhi salam, imam al tawhid qui a eu peur lui de tomber dans le shirk? La réponse est évidente, c'est personne. Ça a été rapporté par Ibn Jarir, Ibn Abi Hatim dans leur tafsir. Et ensuite il finit, Abdurrahman Hassan, il dit فَلَا يَأْمَنُ الْوُقُوعَ فِي الشِّرْكِ إِلَّا مَنْ هُوَ جَاهِلٌ بِهِ وَمَا يُخَلِّصُهُ مِنْهُ من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به. Nul ne se sent à l'abri du shirk sauf une personne qui ignore la réalité du shirk et ceux qui le préservent du shirk. Et c'est quoi qui préserve du shirk? La science d'Allah azza wa jal. Le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la science du tawhid et ce avec quoi il a envoyé son messager comme tawhid et comme interdiction du shirk. Dans le même sens, il est rapporté par l'imam Ibn Battah dans l'Iban al-Kubra que Al-Hassan, rahimahullah, Al-Hassan al-Basri, Sadat al-Tabi'in, il dit, rahimahullah ta'ala, Wallahi ma mada man mada, wa la baqiya illa yakhafu al-nifaq. C'est-à-dire, les gens du passé, ici, c'est un tabi'i, il parle de qui? Il parle des sahaba. Les gens qui vous ont précédé avait peur de l'hypocrisie, du nifaq. وَمَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٍ. Et celui qui se sent à l'abri du nifaq, c'est lui-même un munafiq. Et Al-Bukhari rapporte d'Ibn Abi Mulaika qui disait أَدْرَكْتُ أَشَّكْ مِنِّي ثَلَثِينَ وَأَرْبَعِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ. Ibn Mulaika, من التابعين, il dit, j'ai rencontré 30 ou 40, c'est moi qui doute, 30 ou 40 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Tous craignaient l'hypocrisie pour eux-mêmes. فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النِّفَاقِ. Le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, parmi les petits-enfants de Ibn Abdul Wahhab, il raconte une histoire. Dans son introduction du commentaire de Kashf al-Shubuhat, il dit: وَمِمَّا يُذْكَرْ عَنَ الْمُؤَلِّفِ أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال يوما يذكر البارحة أنه وجد رجل على أمه يجامعها يا ذنب الله فاستعظم المحضر ذلك وضجوا منه وراوا أنه منكر كبير وهو كبير. Un jour, Ibn Abd al-Wahhab, il est rentré chez ses élèves et il leur a dit: on m'a rapporté que hier, on a trouvé un homme, ya ذنب الله, en train d'avoir des rapports avec sa mère. Ses élèves, ils se sont énervés et ils ont crié et ils ont vu que c'était un grand mal. Et réellement, c'est un grand mal. ثم قال لهم مرة أخرى واحد أصيب بمرض شديد فقيل له اذبح ديك لفلان ولي عفوا فلم يستعظموه. Et une autre fois, il est venu, il leur a dit: telle personne est tombée gravement malade et on lui a dit: va sacrifier un poulet pour un tel, le wali. Et ils n'ont pas fait attention à ce qu'il a dit. ثم بين لهم أن الأول فاحشة يبقى معها التوحيد والآخر ينافي التوحيد كله وهذا لم يستعظموه مثل ذاك. Et ensuite, il leur a expliqué que le premier, même si c'est énorme, le fait d'avoir des rapports avec sa propre mère, c'est un mal avec lequel il reste le tawhid. C'est-à-dire que la personne, il peut espérer le pardon d'Allah. Quant au second, le fait de sacrifier ne serait-ce qu'un animal, un petit animal, pour un autre qu'Allah Azza wa Jal, donner le droit d'Allah de l'ibad à un autre qu'Allah, ça par contre Allah il ne le pardonne jamais si la personne elle meurt sans se repentir. وهذا هو الواقع من أكثر الناس فإن النفوس تستبشع أشياء أعظم من استبشاعها ما هو ضد التوحيد. Et ça c'est la plupart des gens. Les gens ils sont dégoûtés par des gens, par des choses qui sont pires que le shirk. On le trouve à notre époque. Ah, Jabhat al-Nusra, il fume. Certes, il fume, c'est vrai. Ou, Jaysh al-Hur, il fume. Mais le problème avec Jaysh al-Hur ou Jabhat al-Nusra, c'est pas qu'ils fument. Le problème, c'est qu'ils yushrikoun billah azza wa jal. Ils associent Allah subhanahu wa ta'ala, ils apostasient, ils mécroient en lui. Certains, clairement, en voulant le jugement de la démocratie à la place du jugement d'Allah, et d'autres en prenant pour alliés ceux qui veulent le jugement de la législation. Et c'est la huitième annulation, le jugement de notre qu'Allah, et c'est ça la huitième annulation de l'islam. Donc les gens, ils n'ont pas l'échelle de valeur qu'Allah il a fixée dans le Coran et la Sunna. Lorsqu'il dit, wal fitnatu ashaddu min al qatl. Le fitna, ici c'est le shirk, comme l'ont rapporté tous les salafs dans le livre de tafsir, est pire que le meurtre. Ici, le shirk, il est pire que d'avoir sacrifié une poule pour un wali, c'est pire que avoir des rapports avec sa propre mère, iyadhan billahi ta'ala. Ça, c'est dans Sharh Kashf al-Shubuhat à la page 9. Al-Masalatu al-Thaniya, la deuxième question sur laquelle je voulais parler aujourd'hui, Allahu musta'an, c'est les conditions de la victoire. On a déjà parlé précédemment, mais là, on va vous rappeler la parole d'Ibn al-Qayyim sur les conditions de la victoire. Qal Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, وكذلك النصر والتأييد الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Ibn al-Qayyim رحمه الله il dit: de même la victoire et l'aide d'Allah complète totale n'est attribuée aux gens qui ont la foi complète. Allah le Très-Haut a dit, certes, ce qui signifie certes, nous secourons nos messagers et ceux qui ont cru dans la vie d'ici-bas et le jour où se lèveront les témoins, jour de la résurrection, Al-Ghafir 51. Et ensuite il dit, nous avons appuyé ceux qui ont cru sur leurs ennemis et ils ont eu le dessus dans Surat As-Saff. Il dit ensuite Ibn al-Qayyim, faman نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد. Celui dont la foi baisse, la victoire et l'appui d'Allah Azza wa Jal, de même, il baisse. C'est lié. ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بإدالة عدوه عليه فإنما هي بذنوبه. De même, si une personne est touchée par un problème, une calamité dans sa personne, dans ses biens, ou par le fait que son ennemi prenne le dessus sur lui, c'est à cause de ses péchés. فَإِمَّا بِتَرْكِ وَاجِبْ أَوْ فِعْلِ مُحَرَّمٍ وَهُوَ مِنْ نَقْسِ إِمَانِ. C'est soit qu'il a délaissé une obligation, soit qu'il a commis une interdiction. Et ceci, ça fait baisser sa foi. Comme vous savez, le Coran et la Sunna, Ijma' al-Salaf, il implique que la foi augmente avec les obéissances. Et la foi diminue avec les péchés. Mais même Al-Futur, ils disent, les ulama, c'est quoi? Le fait de faire peu d'adoration ou moins d'adoration, c'est la foi qui baisse. Si une personne, il faisait ses nawafil chaque jour, ou qu'il faisait 2 raka'a de qiyam al-layl, et qu'après, qu'il faisait 4 raka'a de qiyam al-layl, et qu'il se met à faire 2 raka'a de qiyam al-layl, sa foi, elle a baissé. Sa foi, elle a baissé. Et on l'a dit, il me semble précédemment, mais on le répète, الإيمان الكامل وفعل جميع الواجبات والمستحبات وترك جميع المحرمات والمكروهات. La foi complète, qui implique la victoire complète, elle vient avec le fait de faire toutes les obligations et les choses surérogatoires, et de délaisser toutes les interdictions et les choses déconseillées. C'est-à-dire, si on veut la victoire complète d'Allah Azza wa Jal, il faut avoir la foi complète. قال ابن تيمية فإن الإيمان وإن كان اسما للدين الله الذي أكمله بقول اليوم أكملت لكم دينكم وهو اسم لطاعة الله وللبر وللعمل الصالح وهو جميع ما أمر الله به فهذا هو الإيمان الكامل التام. La foi complète, totale, c'est tout ce qu'a ordonné Allah Azza wa Jal. Et ça implique le wajib et le mustahab. Ça implique l'obligation et le conseil. C'est dans Majmou' al-Fatwa, le volume 19, la page 293. Est-ce que l'exemple que j'ai cité, en fait, il est mauvais? C'est vraiment l'exemple qu'il ne faut pas citer. Le Nasr, entre nous, il ne vient pas parce qu'on délaisse Qiyam al-Layl. Le Nasr ne vient pas parce qu'on délaisse des obligations et qu'on commet des interdictions. Partout, tout le temps, entre nous. La plus grande que je vois, moi, à mes yeux, c'est l'injustice. L'injustice entre nous. On ne va pas chercher ton émir, le wali, etc. Entre nous, l'injustice. L'injustice envers les frères, al-riba, al-namima, le fait de ne pas donner son droit à son frère, etc., etc. Tout ça, c'est ça. Et vous connaissez tous le rêve. Allah alam, j'espère qu'Allah ne va pas me démentir. Yom al-qiyama. Les frères racontent comme quoi un frère a vu, plusieurs frères ont vu une fenêtre s'ouvrir dans le ciel et à dire aux frères par rapport à Aïn al-Islam, ils veulent notre aide, ils veulent notre aide, on va leur donner notre aide. Et là, il y a une voix qui crie dans le ciel, non, tant qu'ils n'arrêtent pas d'être injustes les uns envers les autres. Parmi les plus grandes obligations qui concernent les gens ici au djihad, c'est, on va commencer par l'umara et on va finir par l'ma'mourine. Toute personne qui est émir, il a des obligations. Normalement, l'émir, même l'émir de 3 personnes ou de 4 personnes, ça doit être la personne qui doit faire le plus de ibada et qui doit avoir le plus de doros, entre guillemets, ou le plus de ilm. Il doit tout le temps se rappeler d'Allah Azza wa Jal. Et tout le temps rappeler la responsabilité qu'il a devant Allah Azza wa Jal. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أمير عشرة إلا يؤتى به مغلولا يوم القيامة حتى يفكه العدل أو يبيقه الجور. رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار الرجال الصحيح كما قال المنذري في الترغيب. أبو هريرة rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit le jour de la résurrection tout émir de 10 personnes il viendra attaché. La mahal, tu as été émir de 10 personnes, tu viendras attaché yom al qiyama. Il y a pas de sortie. Général, toute personne qui a été émir de 10, il viendra attaché yom al qiyama. Ce qui le libérera, ça sera sa justice. Ou ce qui le fera périr, ça sera son injustice. Et ce hadith, il est sahih, inshallah, rapporté par le Bazar, le Tabrani et d'autres. Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, il dit à propos de l'imara, je le dis, je ne sais même pas s'il y a un émir dans la pièce, mais il dit, obligé, façon, même l'émir d'une petite saria, même le jour de l'iqtiham, etc. etc. قال ابن قدامة ينبغي للأمير أن يرفق بجيشه ويسير بهم سير أضعفهم لئلا يشق عليهم وإن دعت الحاجة إلى الجد في السير جاز له إلى آخر الكلام. Il faut que l'émir soit doux avec son armée et qu'il marche à la vitesse du plus faible d'entre eux afin de ne pas leur rendre les choses difficiles. S'il y a besoin de marcher vite, il marche vite, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait le jour d'une ghazwa. Et ensuite il dit, rahimahullah, وَلَا يَمِيلُ الْأَمِيرُ مَعَ مَوَافِقِيهِ فِي الْمَذْهَبِ وَالنَّسَبِ عَلَى مُخَالِفِيهِ فِيهِمَا لِأَلَّا يَكْسِرَ قُلُوبَهُمْ. Et l'émir, il ne doit pas favoriser les gens qui sont en accord avec lui, par exemple dans son madhab, ou dans sa lignée, par exemple les gens de sa famille ou les gens de l'endroit où il vient ou quoi que ce soit, à la mukhalifi, à des gens qui sont en opposition avec lui sur ces deux points, afin de ne pas briser leur cœur. فَيَخْذُلُونَهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَيْهِمْ. Car s'il fait cela, il se peut qu'il le laisse au moment où il en a le plus besoin. وَيُكْثِرُ الْمُشَاوَرَةَ لِذَوِ الرَّأْيِ مِنْ أَصْحَابِهِ. Et il doit beaucoup consulter les gens qui ont une bonne opinion parmi ses compagnons. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et consulte-les dans tes affaires. Ça c'est dans le Mughni, le volume 9, la page 215. Quant à l'ma'mour, quant à la personne qui est sous l'autorité de l'émir, n'importe quel émir, il faut qu'il sache que sam' wa ta'a l'émir, c'est une ibada. Comment on sait qu'une chose est une ibada dans le Coran? Parce qu'Allah il a ordonné ou il l'a conseillé. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et aux détenteurs de l'autorité parmi vous. Et dans le hadith de Bay'a, qui est rapporté par Al-Bukhari dans le Fitan numéro 6647, il dit: فبايعنا أي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. البيعة إلي sur quoi? C'est le بيعة que vous avez fait quand vous êtes rentré dans Daoula ou lors de la proclamation du Khilafa, etc. etc. Celui de, que celui qui le délaisse, matamitatan jahiliya, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui délaisse cela, il meurt d'une mort de la jahiliya. Nous l'avons fait bay'a sur l'écoute et l'obéissance, dans l'aisance et la difficulté. Dans l'aisance et la difficulté, pourquoi? Parce que écouter et obéir dans l'aisance, lorsque tu es en accord avec ce qui te dit l'émir, il n'y a aucun mérite. C'est pas à ce moment-là que c'est un mérite d'écouter et d'obéir. C'est quand justement ça va contre ton propre avis, ou contre ton nefs, ou que c'est difficile. C'est à ce moment-là que c'est une ibada. Wa atharatan alayna, même si on subit de l'injustice. Al athara c'est le dhulm, clairement, le favoritisme. Même s'il y a du favoritisme, as-sam'u at-ta'a. Donc dans la deuxième question qu'on a citée, ou la troisième, l'émir il doit être juste. S'il n'est pas juste, il verra yawm al-qiyamah. Et il viendra attacher Yom al-Qiyamah, comme il est venu dans le hadith de l'Bazar qu'on a cité précédemment. Mais toi, tu dois obéir, même si tu vois de l'injustice. Tant qu'il n'y a pas de désobéissance à Allah, wa alla nunazi' al-amra ahla, et de ne pas disputer l'autorité à ceux qui la détiennent. Illa antaraw kufran bawaha. Sauf si vous croyez une mécréance, si vous voyez, pardon, une mécréance évidente de laquelle vous avez, dans laquelle vous avez une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, yarhamukallah, il disait dans sa khutbah, « Ya ayyuhan nas, alaykum bitta'ati wal jama'a. » Oh les gens, suivez l'obéissance et la jama'a, le groupe. « Fa'innaha hablullahi alladhi amara bih. » Car c'est la corde d'Allah qu'Allah nous a ordonné de s'y accrocher, comme dans le verset de surat Ali Imran, ya ayyuhalladhina amanu, pardon, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, et cramponnez-vous tous à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Wa zkuru ni'matallahi ila akhir al-aya. وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. سبحان الله. Vraiment une hikma. Il dit quoi? Et ce que vous détestez dans le groupe est mieux que ce que vous aimez dans la division. Mada? Ce que vous, il y a des choses difficiles dans le fait d'être en groupe, dans le fait d'être le khilafa, ou le fait d'être une katiba, ou le fait d'avoir un émir, ou le fait de ne pas vouloir faire ce que toi tu as envie de faire. Ben ça c'est mieux que ce que tu aimes dans la division. Imagine-toi, dans la division en France tout seul, à la merci des kofars ou quoi que ce soit. C'est comme ça que je le comprends. Rawah al-Ajurri fi al-Shari'a. Qala ibn Qudama rahimahullah, wa idha ghaza al-amir bin nas. Lorsque l'émir, il part en expédition avec les gens. لم يجوز لأحد أن يتعلف ولا يحتطب ولا يبارز علجا ولا يخرج من العسكر ولا يحدث حدثا إلا بإذنه يعني لا يخرج من العسكر تعلف وتحصيل العفل الدواب إلى آخره. Il dit quoi? Lorsque la personne fait le ghazwa, lorsque l'émir fait le ghazwa avec les gens, il n'est pas permis à personne de nourrir sa bête, ni de chercher du bois, ni de provoquer un kafir en duel, ni de sortir du campement militaire, ni de faire quoi que ce soit sans sa permission. Lam yajuz. C'est clair, c'est le tahrim. Si la personne y fait ça, il a fait un péché. On revient à ce qu'on a dit précédemment. Al-iman kamil. Ça veut dire aussi al-sam'u al-ta'a. S'il n'y a pas al-sam'u al-ta'a, al-iman yankos. C'est dans le Mourni, le volume 12. Et parmi dans ce sujet-là, il y a même un adab à respecter avec les umara. La personne qui est un émir, quel qu'il soit, il y a un adab, une bienséance à respecter avec eux. Comme le rapporte Ibn Abi Asim, rahimahullah, dans son livre Sunnah, an Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, قال, nahana kumara'una min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, قال, la tasubbu umara'akum. ولا تغشوهم ولا تبغضوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. Anas ibn Malik رضي الله عنه, il dit, les grands parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il dit ça Anas? Parce que c'était min sigar sahaba, comme disent les savants, parmi les petits ou les jeunes des compagnons du prophète, parmi les gens qui sont rentrés dans l'islam à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à Omar, Abu Bakr, à Uthman, Ali, Ibn Mas'ud, Bilal, etc., etc. Les grands parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous ont interdit et nous ont dit, n'insultez pas vos umara, ne trichez pas avec eux, ne les détestez pas, craignez Allah et patientez, car l'ordre est proche, la fin des temps est proche. Et il est rapporté par Ibn Abi Asim, numéro 1015. Et dans le même sens, Ibn Abi Asim, il rapporte, عن Abi Bakr, قال, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, من أكرم سلطان الله أكرمه الله, ومن أهان سلطان الله أهانه الله. Ça, c'est plus à propos de l'khilafa. Il dit, celui qui honore le gouverneur d'Allah, littéralement, c'est-à-dire qu'Allah a mis à la tête des croyants, Allah, il l'honore. Et celui qui l'humilie, Allah, il l'humilie. Rapporté par Ibn Abi Asim. Et le dernier point, c'est un point très très important. Rapporté par Iyad ibn Ghanmin li Hisham ibn Hakim. Il lui dit, Alam tasma' bi qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, man arada yansaha li dhi sultan, fala yubdihi ala niyatan, walakin ya'khudhu biyadihi, fayakhlu bihi, fa'in qabila minhu fadhak, wa illa Ibn Abi Asim. C'est très important. Et ça vaut pour l'émir d'une madafa, pour l'émir de l'katiba, pour l'wali, pour toutes sortes de umara. Il dit quoi? N'as-tu pas entendu, il dit à un autre compagnon, n'as-tu pas entendu la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Celui qui veut conseiller un détenteur de l'autorité, quel qu'il soit, qui ne le fasse pas en public, mais il lui prend la main, il se met tout seul avec lui. S'il accepte, c'est bon. S'il refuse, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a rempli son devoir. Il a fait son devoir. Il est rapporté par Ibn Abi Asim au numéro 1096. Nasihat al-Umara, ça ne se fait jamais en public devant une assemblée. Jamais devant le ma'mour, la personne qui est sous l'autorité. Pourquoi? Parce que l'émir, après, il n'est plus émir. Il a perdu ce qu'on appelle l'hiba, le respect. N'importe quel émir, n'importe quel même petit émir, si la personne il élève la voix devant lui ou quoi que ce soit, c'est fini. Son autorité, elle est finie. Et le péché, il est sur la personne qui a élevé la voix. Si c'était un bon émir qui avait fait une petite erreur ou quoi que ce soit, la personne, il prend sa responsabilité. Et pour finir, je ne fais pas de dars trop long parce que ça ne sert à rien. On recite un hadith qu'on avait cité la dernière fois, et on devrait presque se le citer tous les jours. Le hadith d'Abu Daoud al-Nasa'i, selon Abi Umama, « قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له فعادها ثلاث مرات يقول رسول الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له أبو أمامة rapporte comme quoi un homme est venu voir le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et lui a dit as-tu vu un homme qui fait le djihad en cherchant al-ghanima, l'argent ou la renommée. A-t-il quelque chose le jour de la résurrection, yawm al-qiyama, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il n'aura rien. Rien. Il lui a répété la question trois fois. As-tu une personne qui participe au djihad et qui veut soit al-ghanima, soit la renommée. Il n'aura rien. As-tu vu une personne qui fait le djihad, il cherche soit le ghanima, soit la renommée. Il n'aura rien. Et ensuite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Inna Allah azza wa jal la yaqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisa wa btughiya bihi wajhu. » Allah, il n'accepte des actes que ce qui est purement pour lui. Et ce par quoi on recherche sa face. نسأل الله الإخلاص نسأل الله الإخلاص ونعوذ بك من الشرك والرياء vraiment il faut qu'on reste dans tout travail qui fait la personne en terre de djihad il est fils abidillah ta'ala mais sûr il y en a des travaux qui sont plus durs que d'autres mais la personne il faut qu'il ait l'ikhlas s'il rentre dans son cœur al-ghanima la renommée que sais-je encore l'imara hubb al-imara des choses comme ça qui sache que yawm al-qiyama toute cette fatigue, toutes ces difficultés, ça sera pour rien du tout. Si ce n'est le feu de l'enfer. Waliyadu billah ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'il al-muslimin fastaghfiruh.